France Inter, franceinter.com. Et la France dans tout cela? Et je demandais à M. X, paraphrasant Jacques Chancel, lorsque j'ai pris connaissance des derniers événements de Madagascar. La France, qui, malgré l'indépendance de l'île Rouge, a conservé avec son ancienne colonie des liens étroits autant passionnels qu'économiques. La France qui, sans toutefois l'avouer, ne pouvait que se réjouir de voir un président qui ne l'aimait guère, Ravalomanne, être chassé du pouvoir. La France, enfin, qui demeure le principal bailleur de Madagascar, où résident toujours 25 000 de nos compatriotes. Alors, en attendant la réponse de mon interlocuteur, il faut observer que cette île, grande comme la France et le Benelux réunis, connaît régulièrement des crises politiques qui voient s'affronter pendant des semaines, parfois des mois, des hommes qui revendiquent également la légitimité du pouvoir. Autre observation préliminaire, Madagascar, qui occupe une position stratégique dans l'océan Indien, est potentiellement riche et possède de nombreux atouts économiques. Et pourtant, une partie de sa population vit encore dans la misère et l'île a même connu des périodes de famine. Un dernier mot avant d'écouter M. X, la France a aussi laissé de terribles souvenirs à Madagascar, où personne n'a oublié qu'en 1947, la répression d'une révolte indépendantiste par les troupes françaises a provoqué la mort de 100 000 malgaches. Un bain de sang passé quasiment inaperçu en métropole, mais qui n'a cessé de hanter la mémoire des habitants de l'île. Thank you. Vous me demandez si au cours de la récente crise malgache, la France a tiré quelques ficelles. Bon, officiellement, bien sûr, il n'en a rien été. Ben oui, mais officieusement... Ah ben ça, c'est autre chose. Ouais. On ne peut pas tout à fait se désintéresser du Nil où, malgré la concurrence internationale, nous possédons encore tant d'intérêts. Et puis, oui, il existe une importante communauté française. D'autant, disons-le d'emblée, que notre pays a toujours joué un rôle plus ou moins discret dans les précédentes crises qu'a connues Madagascar. Ouais, des crises à répétition. Oui, hein. Oui, tous les 10 ans ou presque, ça recommence. Ouais. Et les manifestants mécontents du pouvoir se rassemblent à Antananarive, sur la place du 13 mai, au lieu de la contestation malgache. Et ça se termine généralement par la chute à plus ou moins long terme du président en place. Ouais, c'est ce qui vient de se passer. Hein. En effet. Alors, voyons cela plus précisément. Une remarque quand même, là. Mm-hmm. Paris n'a pas approuvé le dernier coup d'État. Bah, il ne pouvait pas en être autrement. La France, à l'unisson de presque tous les autres pays, a estimé que la transition ne s'était pas faite dans la légalité. Mais Paris s'est aussitôt empressé de déclarer que ce changement de pouvoir ne remettait pas en cause l'assistance bilatérale que nous apportons à la population malgache. Ouais. Puis vous le verrez, après avoir décemment observé une période d'attentisme, eh bien la France nouera les meilleurs rapports avec le nouveau président. Enfin, si toutefois il reste en place. Et on oubliera alors qu'il est arrivé au pouvoir dans des conditions douteuses. Bah, c'est évident. Parce que Radjouel succède à un chef d'État qui n'était guère favorable à la France. Enfin, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, si vous le voulez bien, faisons un petit retour en arrière. Bon, je ne reviens pas sur le drame de 1947. Le massacre de 1947. Oui, vous avez raison de parler de massacre. Car dans aucune autre colonie française, la répression d'un mouvement indépendantiste n'a atteint un tel niveau de férocité. Mais c'est un sujet que nous avons déjà longuement évoqué. Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1958 exactement, le général de Gaulle se rend à Tananarive. Mais c'était encore le nom de la capitale. Hein, oui, et devant le palais de l'ancienne reine, Ranaval, il déclare solennellement à la population malgache « Bientôt, vous serez de nouveau un État ». Ça, c'est la promesse de l'indépendance. Mais au sein de la communauté française, un concept cher au général qui n'aura pourtant guère d'avenir. Et en 1960, le président élu, Philibert Tsirane, choisit purement et simplement l'indépendance. Toutefois, comme dans la plupart des autres colonies africaines, l'indépendance ne se traduit pas par la rupture avec Paris. Ah ben oui, on assiste là à la naissance de la France-Afrique. Hein. Un système ambigu qui continue à lier le colonisateur à ses anciens colonisés par tout un ensemble de rapports économiques, politiques et militaires. Ouais. Puis il y a la forte empreinte de la colonisation. Et on ne s'en débarrasse pas d'un seul trait de plume. À Madagascar, par exemple, la frontière ethnique tracée par les colonisateurs va longtemps perdurer. Et aujourd'hui, elle n'est toujours pas effacée. Expliquez. C'est une histoire qui rappelle ce qu'ont fait les Belges au Rwanda. Oui, la distinction entre Hutu et Tutsi. Une distinction qui, au départ, ne repose sur aucune donnée ethnique. Eh bien, à Madagascar, c'est presque la même chose. Le colonisateur français a choisi de favoriser la population côtière au détriment des mernes, les habitants des hauts plateaux du centre de l'île. C'est ce qu'il faut dire, là, ici, avant d'aller plus loin, qu'on essaie... J'espère qu'on satisfera les malgaches. On essaie de prononcer les noms à la malgache. Alors pourquoi là, cette distinction-là? Ah bah parce qu'on jugeait que ces derniers, censés être plus évolués, étaient moins dociles. Ah oui, donc on a divisé pour mieux régner. Ah, c'est exactement ça, oui. Ah. C'était même la devise du général Gallieni, le premier gouverneur français de la Grande Île. Ouais. Et cette frontière artificielle s'est perpétuée? En 1947, lors de la terrible répression exercée par la troupe, ce sont les populations des hautes terres qui ont payé le prix du sang. Et jusqu'en 2002, tous les dirigeants de l'île ont été issus de la côte, c'est-à-dire des côtiers. Bon, refermons cette parenthèse et revenons au premier temps de l'indépendance. Tsirane, socialiste modéré, proche de la SFIO, gouverne intelligemment et pratique une coopération très active avec Paris. C'est très important parce que l'île est alors le pivot de notre dispositif stratégique dans l'océan Indien. Oui, il suffit de regarder une carte pour comprendre. Hein. Madagascar, situé entre Djibouti, La Réunion et les Comores, contrôle en particulier le canal du Mozambique par où passent les tankers qui ont chargé leur pétrole dans le golfe arabo-persique. Et c'est d'ailleurs à Antananarive qu'est installé le QG des forces françaises de l'océan Indien, qui seront un temps commandés par le général Bijard. Et combien de Français vivent alors à Madagascar? Dans les années 60, les Vassa, comme les autochtones les appellent, sont à peu près 40 000. Et parmi eux, il y a de nombreux réunionnais et surtout des agriculteurs. En tout cas, pour résumer votre propos, la Madagascar est donc étroitement liée à la France. Hein. La France qui dispose de deux importantes bases, l'une navale, C'est Diego Suarez. Hein. Oui, et l'autre aérienne, Ivat. J'ajoute, et c'est beaucoup moins glorieux que Lille, nous permet aussi d'entretenir de discrètes relations commerciales avec l'Afrique du Sud et les bastions colonialistes qui subsistent en Afrique australe, Rhodésie et Mozambique. Avec l'accord des autorités malgaches ? Parfaitement. Bien sûr, le président Tsiran désapprouve officiellement le régime d'apartheid. Mais ce pro-occidental est aussi un pragmatique. Et il sait fermer les yeux lorsqu'il le faut, surtout lorsque ça se traduit par la signature de fructueux accords commerciaux. Enfin, quoi qu'il en soit, cette première décennie de l'indépendance est donc plutôt paisible. Mais ça commence à se gâter au début des années 70. Que se passe-t-il, hein ? Il y a d'abord l'inévitable usure du pouvoir. D'autant que Tsiran, victime d'un accident, a vu sa santé se détériorer, donc ses facultés de gouverner. Dès 1971, il doit faire face à une insurrection dans la partie la plus pauvre de l'île, le sud. La répression impitoyable n'empêche pourtant pas le président d'être confortablement réélu pour la troisième fois. Mais il est à peine reconduit que les étudiants descendent dans la rue. Que veulent-ils alors ? La tonalité de leurs revendications est nettement anti-française. Non seulement ils demandent la révision des accords qui lient Madagascar à la France, mais ils réclament la malgachisation du système éducatif. C'est-à-dire l'abandon du français au profit de la langue locale. Et cette revendication identitaire est relayée par d'autres catégories de la population. La grève générale est décrétée par les syndicats. Et le 13 mai 1972, la protestation culmine avec la réunion sur la place de l'hôtel de ville de Tananarive de quelques 100 000 manifestants. La réaction du pouvoir ? C'est l'affolement. Et les forces de l'ordre tirent. Il y a des dizaines de morts. Ce « mai sanglant », comme vont l'appeler désormais les malgaches, provoque un véritable choc dans toute l'île. Et le président Tsiran ne pourra pas s'en relever. 5 jours plus tard, il cède une partie de son pouvoir aux militaires et le commandant en chef de l'armée, Ramananzou, est aussitôt nommé premier ministre d'un gouvernement transitoire. Ouais. Et que devient Tsiran alors ? Il s'accroche, mais relégué dans un palais présidentiel, il est peu à peu éloigné du pouvoir et oublié. Il mourra même dans la misère en 1978. Deuxième interrogation, et Paris ? Eh bien, à Paris, on est très embarrassé. D'un côté, on n'a pas très envie de se mêler de cette affaire purement malgache. D'ailleurs, le gouvernement a repoussé une demande d'aide de Tsiran. Pourtant, dans d'autres pays africains, les garnisons françaises en place ont volé au secours des dirigeants en difficulté. Et puis, ça continue aujourd'hui encore, puisque nous venons de sauver le président tchadien. Certes, la France était et même toujours liée à de nombreux États africains par des accords secrets d'assistance militaire. Mais de l'autre côté, pour revenir à Madagascar, était-il raisonnable de participer à la répression d'un mouvement qui semblait incontestablement populaire ? C'est pourquoi, à Paris, on a laissé faire, tout en suivant attentivement l'évolution de la situation et en prenant soin d'affirmer sa volonté de se maintenir à Madagascar. Maintenir son dispositif militaire. C'est ça, et même en le renforçant. Autre signe de l'attention que portait Paris à la situation malgache. En septembre de cette même année 72, la France envoie à Madagascar un nouvel ambassadeur, Maurice Delaunay. Un homme à poigne, un fidèle de Focard, qui, et ce n'est pas un hasard, a une grande expérience des guerres coloniales et surtout des services secrets. Et la nomination de cet ambassadeur était une sorte d'avertissement adressé au nouveau pouvoir malgache ? Je le pense. Et assez vite, Delaunay, représentant très actif de la France, va devoir affronter le véritable homme fort de Tananarive, un certain Didier Ratsirak, celui qu'on appellera bientôt l'amiral rouge. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Après avoir écouté Monsieur X, j'ai eu la curiosité de feuilleter le livre de mémoire de Maurice Delaunay, ancien ambassadeur de France à Madagascar. Et je vous livre ces quelques lignes qui témoignent avec éloquence de la réalité de ce qu'était la France-Afrique. Malheureusement, En 1970, une maladie avait durement éprouvé les facultés intellectuelles du chef de l'État malgache. Il s'en était quelque peu remis, mais n'avait pas conservé toute la vigueur et la vivacité nécessaires pour faire face aux obligations de sa charge. Dans cette perspective, notre gouvernement avait imaginé la possibilité d'une transition en douceur à la gabonaise. Et on avait pensé à moi pour la mettre en œuvre et la mener à bien. Philibert Tsirane aurait pu alors devenir le président honoraire de la République malgache, des rues et des établissements scolaires, aurait porté son nom, on lui aurait élevé quelques statues, il aurait été le père de la nation malgache. Plusieurs solutions avaient été envisagées pour sa succession. L'une d'elles aurait permis à André Resampa, vice-président du gouvernement, d'exercer la réalité du pouvoir. C'était un homme d'autorité et de bon sens. Il eût été sans doute un bon président, mais Tsirane, cependant, considérablement diminué sur le plan intellectuel, s'entêta à se maintenir à son poste et nous n'eûmes, malgré la confiance qu'il nous témoignait, ni la volonté ni le courage d'exercer sur lui les pressions qui s'imposaient. Quelle position occupait Didier Ratsirak en 1972? Il venait d'être nommé ministre des Affaires étrangères par le nouveau Premier ministre, le général Ramanantsou. Ce dernier étant d'un naturel plutôt faible et indécis, c'est Ratsirak qui s'impose et gagne en influence. Un mot sur le personnage, là. Oui, moi, c'est un officier de marine qui a fait de brillantes études en France. Naval? Oui, il en est sorti parmi les premiers. Une anecdote qui vous montrera de façon assez exemplaire le caractère du personnage. Le capitaine de frégate, Ratsirak, a toujours soutenu qu'il avait obtenu le premier rang. Elle est sortie de Naval. Oui, mais malgache, il avait été déclassé et relégué à la cinquième place. Bon, vrai ou faux, je n'en sais rien. Ça témoigne en tout cas de la personnalité du bonhomme, aussi ombrageuse qu'orgueilleuse. Et pas très accommodante avec les Blancs. Oui, il est clair que Ratsirak est décidé à leur faire payer les décennies d'asservissement de son île et de sa population. Désir de revanche. Oui. Forcément. Ajoutez à tout cela de brillantes qualités d'orateur et vous avez l'étoffe d'un dirigeant politique pugnace qui est bien décidé à mener la vie dure à la France ou à tous ceux qui représentent ses intérêts dans l'île. Et ça commence assez vite. Comment alors, racontez? À l'automne 1972, le ministre gaulliste de la coopération se rend à Madagascar. Bill Cock, c'est son nom, rencontre le capitaine de frégate Ratsirak. Oui, qui est alors, il faut le rappeler, le ministre des Affaires étrangères de son pays. Hein. C'est ça. Ratsirak attaque tout de suite en déclarant que les accords de coopération doivent être révisés car ils sont trop favorables à la France. Bill Cock, qui essaye de discuter, est aussitôt traité de colonialiste, ce que le ministre français prend très mal. Et les deux hommes en viennent aux mains et il faut les séparer. Ouais, effectivement, c'est pas comme échange diplomatique, c'est pas très banal. Hein. Bon, en tout cas, jusqu'en 1975, Ratsirak se tient relativement tranquille, même si chacun sait que c'est lui qui détient la réalité du pouvoir. Mais sous la pseudo-autorité du Premier ministre, Ramanantsou, il réussit à imposer ses vues et à faire adopter toute une série de mesures hostiles à la France. Par exemple? Les accords de coopération avec Paris sont réellement révisés. Et ça se traduit d'abord par la sortie de Madagascar de la zone franc. Puis, et c'est encore plus spectaculaire, le gouvernement malgache exige le départ des forces françaises. Et c'est ainsi que nous devons évacuer les deux bases navales et aériennes que nous occupions sur l'île Rouge. Un vrai bouleversement là, pour nos forces armées. Oui, la France cesse alors d'être une puissance militaire dans l'océan Indien. En outre, et ça ne fait pas très plaisir à l'ambassadeur de l'ONU, toujours sous l'influence de Ratsirak, le gouvernement malgache prend une coloration nettement socialiste. Et alors, vous avez parlé de 1975, là, que se passe-t-il en 1975? Au début de l'année, Ramanantsou démissionne. Il est aussitôt remplacé par un autre militaire. Toutefois, 8 jours plus tard, celui-ci est assassiné. Et par qui? L'affaire n'a jamais été vraiment éclaircie. En tout cas, un directeur militaire s'empare du pouvoir et peu de mois plus tard, c'est un conseil de la révolution qui s'impose. Conseil présidé par Ratsirak. C'est donc ce dernier qui est le vainqueur de cette mini-révolution. Et quand on cherche à qui a profité le crime... Hein... Écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il est vrai que Ratsirak détestait le bref successeur de Ramanantsou parce qu'il l'accusait d'être francophile. Donc toutes les hypothèses peuvent être envisagées. Libre à vous de le penser. Il n'empêche que c'est bien Ratsirak qui devient le nouveau maître de l'île. C'est exact. Et Ratsirak va pouvoir appliquer les réformes dont il rêve. Et pour commencer, l'île Rouge devient la République démocratique de Madagascar. Un État socialiste. En effet, Ratsirak, qui se fait élire à la présidence de cette nouvelle République dès la fin de l'année, s'est entiché du régime nord-coréen de Kim Il-sung. Et il entend faire de Madagascar une deuxième Corée du Nord. Et c'est-à-dire Il copie, tout simplement. Non seulement il se fait construire un palais présidentiel semblable à celui de Kim Il-sung, mais il élabore une doctrine socialiste et révolutionnaire directement inspirée de l'exemple nord-coréen. Mieux, il codifie cette idéologie dans un petit livre rouge qui devient le bréviaire anticolonialiste et très anti-francophone des Malgaches. D'ailleurs, Ratsirak se fait parfois appeler le grand timonier malgache. Ah oui, alors Kim Il-sung ne lui suffit plus, là, il emprunte aussi à Mao Zedong. Hein, tout ça. Pardonnez-moi, mais enfin tout ça est curieux. Hein. Mais concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, Ratsirak impose la collectivisation de l'économie, ce qui produira les mêmes effets désastreux que dans les autres pays socialistes, c'est-à-dire la ruine du système éducatif et de l'agriculture. Ça va même si loin que Madagascar, qui était autosuffisante sur le plan alimentaire, va connaître de nombreuses disettes. Et la politique étrangère ? Là, l'amiral rouge, comme on l'appelle désormais, est beaucoup plus prudent. Certes, il se rapproche du camp de l'Est, mais il proclame aussi son non-alignement. Mais quelle est la nature du régime qu'il met en place ? Malgré le petit livre rouge, malgré la sympathie pour la Corée du Nord, le système n'est pas dictatorial, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays africains. Ratsirak n'a pas instauré un régime de parti unique et il existe une opposition qui peut s'exprimer. Ouais, régime autoritaire. Quand même. Mais ses rapports avec la France ? Là aussi, c'est curieux. Dans ses nombreux discours, Ratsirak fustige le colonialisme et l'impérialisme. Et cependant, la France demeure le premier partenaire commercial de Madagascar. Les ponts ne sont donc pas rompus ? Non. Ratsirak, malgré son engouement pour la Corée du Nord, c'est bien qu'il doit encore compter avec Paris, même si les querelles sont incessantes et parfois ridicules. Par exemple, lorsqu'il s'agit de revendiquer la propriété d'un groupe d'îlots, les îles éparses qui sont souvent recouvertes par la mer à marée haute. Les îles qui sont donc toujours dans le giron de la France. Et ça agace Ratsirak. Enfin, je vous le disais, l'amiral rouge se garde bien de rompre. Et s'il est franchement détesté par le clan Focard, il cultive aussi un certain nombre de relations en France. Des amis précieux qui lui seront bien utiles plus tard. Autre donnée importante, la position stratégique de Madagascar. Washington et Moscou se verraient bien occuper la base de Diego Suarez que Paris a dû abandonner. Et les Soviétiques et Américains se livrent donc à une lutte d'influence. Et tour à tour, ils avancent leurs pions en multipliant les promesses. Ce qui signifie que Ratsirak doit naviguer au milieu de nombreux écueils, d'autant qu'il entretient une sorte de paranoïa. Paranoïa quoi ? Il craint à tort ou à raison que des forces étrangères ne le débarquent. Et qui vise-t-il là ? L'Afrique du Sud, qui pourrait être le bras armé de l'impérialisme. Et les aventures de Bob Denard et de ses affreux aux Comores en 78 ne peuvent que le renforcer dans cette conviction. Ouais, bon, là on peut pas lui donner tout à fait tort. Non, cette peur d'un débarquement de mercenaires restera ancrée dans la psychologie des dirigeants malgaches et même de la population. On en aura une nouvelle preuve en 2002, mais enfin, n'allons pas trop vite. Comme d'habitude. Hein. Les rapports de Madagascar avec la France sont donc essentiellement méfiants. Mais avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, ces relations vont se réchauffer. Mais parce que la France est passée à gauche. Bien sûr. L'amiral rouge se sent plus proche des socialistes français. Et puis, il y a une raison beaucoup plus concrète. La situation économique de l'île est de plus en plus catastrophique. En 1982, Madagascar est même en état de cessation de paiement. Ouais. Alors, par conséquent, il est tentant de demander l'aide de Paris, c'est ça ? Évidemment, d'autant que les instances internationales, Banque mondiale et FMI, accentuent leur pression sur les autorités malgaches et les obligent à renoncer à un certain nombre de réformes structurelles introduites par Ratsirak. Et ces institutions demandent des mesures de libéralisation ? Oui, ainsi qu'elles le font dans tous les autres pays en détresse. Oui, malheureusement, parce que ça ne profite pas toujours aux populations. Oui, mais enfin, Ratsirak est bien obligé de s'incliner. Ouais. Et la France, elle, accepte de venir au secours de Madagascar ? Oui, Ratsirak, pardonnez-moi l'expression, va être obligé de manger son chapeau. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui est Didier Ratsirac ? Dans un article de janvier 1998, l'hebdomadaire L'Autre Afrique trace un portrait de celui qu'on appelle la Madagascar, le roi Didier ou encore le dandy des tropiques. Le journal souligne d'abord que Ratsirac a fait de brillantes études dans le tricoté collège jésuite Saint-Michel d'Antananarivo avant de gagner le prestigieux lycée parisien Henri IV. Puis, c'est l'école navale dont il sort officier de marine et ingénieur des transmissions. Principale qualité, Ratsirac est cultivé, brillant orateur, charismatique et habile. Principaux défauts, le président malgache est orgueilleux, paranoïaque et très imbu de sa personne. Il aime étaler sa culture et il est volontiers verbeux et mythomane. Enfin, le journal mentionne un aspect intrigant. Catholique, Ratsirac aurait néanmoins fait installer un temple dans l'un des palais présidentiels et s'y adonnerait à un culte mystérieux. Il serait aussi très perméable aux appréciations d'une cartomancienne qu'il consulte assidûment. Le réchauffement entre la France et Madagascar se traduit en 1982 par la visite dans l'île de Jean-Pierre Cotte, ministre français de la coopération. Ah oui, l'homme qui voulait introduire la rupture dans nos relations avec l'Afrique. Et qui, pour cette raison, ne gardera pas très longtemps son portefeuille. Mais en 1982, Cotte est toujours ministre et il arrive à Madagascar avec de nombreux cadeaux. Quoi ? Bon, il annonce d'abord une augmentation de l'aide de la France. Et donc l'octroi de nouveaux crédits. C'est... Jean-Pierre Cotte signe aussi des conventions de financement pour des projets agricoles. Ce nouveau climat permet à Ratsirac de venir un peu plus tard à Paris, où il est reçu avec les honneurs par François Mitterrand. Et il déclare à cette occasion, jamais les rapports entre la France et Madagascar n'ont été aussi étroits. Mais pour un homme qui s'inspirait de l'idéologie de Kim Il-sung et vilipendait encore peu hein, le colonialisme français, c'est quand même un changement notable. Hein. Et il ne fait nul doute que, pris à la gorge par le désastre économique malgache, Ratsirac n'a pu agir autrement. Et contraint ou pas, il multiplie les signes de bonne volonté. Ainsi, il relance l'enseignement du français à l'école primaire. Il joue aussi un rôle d'intermédiaire lors de l'organisation de la rencontre entre Mitterrand et Kadhafi en Crète. Ah bon. Puis un peu plus tard, il participe au premier sommet de la francophonie. Il fait donc pas de velours, là. Incontestablement. Ben, il n'a peut-être pas le choix. Hein. Mais c'est aussi ce que je pense. Parce que la situation catastrophique de Madagascar provoque aussi une contestation de plus en plus virulente dans l'île. C'est en particulier l'Église catholique qui mène la danse. Et à Madagascar, il ne faut jamais oublier que les églises protestantes et catholiques sont très influentes et donnent souvent le ton de l'évolution politique. On l'a encore vu récemment. Oui, c'est juste. Mais quelle forme prend cette contestation ? Les émeutes éclatent régulièrement et le pouvoir réagit violemment. On observe aussi des manifestations xénophobes. Mais ça, c'est malheureusement habituel hein, quand les temps deviennent difficiles. Et ce sont les commerçants indo-pakistanais qui font les frais de ces mécontentements populaires. En même temps, il faut noter qu'en France, c'est la première cohabitation. Oui, donc le retour de Focard auprès de Jacques Chirac. Par conséquent, Chirac, au moins pendant ces deux années, n'est plus en odeur de sainteté à Paris. En fait, qu'est devenue la lune de miel avec la Corée du Nord ? Oh, elle est à peu près morte de sa belle mort. Et c'est la France qui a dû payer pour finir de construire le palais présidentiel édifié selon un modèle nord-coréen. Oui, avec au début l'argent des Nord-Coréens. Naturellement. Hein. Mais l'évolution libérale du régime devait aboutir à ce divorce. Alors, je poursuis. Malgré l'opposition de plus en plus vive des églises, Ratsirac est réélu à la présidence de la République en 1989, alors que deux candidats s'étaient présentés contre lui. Ça veut dire qu'il reste populaire. Et il profite pour amorcer un virage très net. Cette fois, c'en est fini de la collectivisation et du socialisme. Puisque le marxisme a échoué et appauvri le pays, Madagascar navigue toute voile dehors vers le système libéral. Tandis que fin de la cohabitation française oblige, Ratsirac est à nouveau au mieux avec Paris. Ça va même si bien que Mitterrand se rend en visite officielle à Madagascar. Une sorte de reconnaissance là pour l'amiral rouge. Amiral, oui, car l'ancien capitaine de frégate s'est nommé amiral, mais rouge de moins en moins. Et c'était alors cette visite du président français là. Mitterrand a alors décidé d'obliger les dirigeants africains à démocratiser leur régime. Et de cette bonne volonté dépendra la générosité française à leur égard. Mitterrand officialisera cette nouvelle politique lors de son fameux discours de la boule, où il dansera quelques dictateurs. Et justement, la visite de Mitterrand à Madagascar se situe quelque temps avant le sommet de la boule. Le président français inaugure donc ce changement politique avec son homologue malgache, à qui il demande de faire des efforts en matière de démocratie. Et en contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie dans ce genre de dialogue. Eh bien, Mitterrand annonce l'annulation de la dette publique malgache et l'ouverture des négociations à propos de ces îles dont je vous ai parlé. Les îles éparses, là. Mm-hmm. Et Ratsirak, là, que promet-il, lui, à part un effort en matière de pratiques démocratiques ? Le président malgache se déclare prêt à indemniser les entreprises françaises nationalisées en 1975, lors de sa prise du pouvoir. Et il autorise les bâtiments de guerre français à faire de nouveaux escales dans leur ancienne base de Diego Suarez. C'est un considérable retour en arrière de la part de ce président au caractère si vif. Certainement. Mmh. Mais malheureusement, la situation intérieure de l'île va contrarier ces signes d'apaisement. Toujours la contestation. Oui, oui, car l'opposition regroupée dans le mouvement des forces vives, mouvement auquel sont associées les églises, exige d'être entendue. Ce que Ratsirak refuse. Donc, malgré les promesses faites à Mitterrand, Ratsirak s'arc-boute et refuse tout dialogue. Pourtant, j'imagine que Paris doit faire pression sur lui. Ah, il ne peut en être autrement, mais l'orgueilleux Ratsirak s'entête. Et maintenant, il doit affronter chaque jour ou presque des manifestations pacifiques qui occupent le centre de la capitale. Et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé tout récemment. Hein. Oui, mais ça ressemble encore plus aux manifestations qui ont eu lieu dans les pays de l'Est et qui ont abouti à la chute du mur. Or, on est en 1991, il ne faut pas l'oublier, et le souvenir de ces démonstrations pacifiques est encore très frais. Mmh. Et pour ses opposants, alors, le président est resté l'amiral rouge. On peut le penser, et quotidiennement, des manifestants demandent son départ. Donc plus question de dialogue. Non, c'est trop tard. Et le chef de l'opposition, Albert Zaf, s'autoproclame Premier ministre bis, tandis qu'un ancien compagnon de Ratsirak, un général, prend la présidence d'un gouvernement provisoire. Mais en août de cette même année, 1991, c'est le drame. Racontez. Ce 10 août, ils sont presque 400 000 à converger vers le palais présidentiel. Alors Ratsirak ordonne à sa garde de tirer sur la foule. Une garde présidentielle qui, entre parenthèses, a été formée et entraînée par des gendarmes français. Ouais, la France n'est jamais très loin dans les affaires malgaches. Hein. En effet, quoi qu'il en soit, il en résulte un vrai massacre. 10, 30 personnes sont tuées. Focard parlera même d'une centaine de morts. Ouais, mais Focard n'aimait guère Ratsirak. Hein. Bah, c'est pourquoi il faut rester mesuré. Ouais. Mais la réalité du massacre ne fait aucun doute. Et surtout, il sera établi que la troupe a obéi à des ordres personnels de Ratsirak. Peu de temps après, un enregistrement qui sera produit qui authentifiera cet appel à la tuerie. Appel qui sera diffusé ensuite par la télévision française. Et ça provoquera, bien sûr, un beau scandale en France. Justement, comment réagit-on à Paris ? C'est la plus grande confusion qui règne. L'Élysée répugne à condamner trop ouvertement Ratsirak. Malgré le massacre. Oui, le président français ne veut pas être accusé d'ingérence dans la politique malgache. Mais son conseiller pour les affaires africaines, Jean-Christophe Mitterrand... Celui qu'on a surnommé Papa Madi. Oui, oui, donc Mitterrand Junior continue à téléphoner régulièrement à Ratsirak, réfugié dans l'un de ses palais. Toutefois, les socialistes français n'ont pas ce genre de pudeur et prennent parti contre Ratsirak. Ils sont d'ailleurs rejoints par un comité international de soutien pour un référendum malgache qui regroupe quelques élus de gauche et beaucoup d'autres de droite. Mais quand vous parliez de confusion, alors... Oui, oui. L'un de vos confrères, Jean Hélène, ce brillant journaliste de RFI qui se fera tuer plus tard à Abidjan, résume parfaitement la situation dans des papiers très lucides, comme d'ailleurs un autre journaliste, Éric Revel, qui dit à peu près ceci. La France cultive l'art de mettre plusieurs fers au feu en essayant de ne jamais se brûler. Oui, c'est effectivement assez bien vu, ça. Hein. Mais à Madagascar même, que se passe-t-il ? Eh bien, comme plus tard, en 2002 et 2009, et même avant, en 1972, on va assister à l'existence parallèle de deux pouvoirs. Mais bien entendu, ça ne pourra pas durer éternellement. Et les Malgaches, mais aussi la France, devront bien finir par trancher. Mais je vous propose de voir ça la semaine prochaine. Un dernier mot, Monsieur X l'a dit, le président Ratsirak n'a guère été apprécié par l'homme qui a longtemps gouverné la France-Afrique, Jacques Focard. Et il suffit de parcourir son livre de mémoire, Focard parle, pour s'en convaincre. Extrait. C'est un homme difficile à cerner. Il a fait des études brillantes à l'école navale où il avait été reçu sans favoritisme. C'est un négociateur dur. Il a quelquefois des comportements étranges, côtier, métis et conscient de sa valeur. Il est très complexé. Il peut être agressif. En 1973, ministre des Affaires étrangères, il se répandait en propos déplaisants sur la France et les Français. Nous avons demandé à notre ambassadeur, Maurice Delaunay, d'avoir un entretien avec lui à ce sujet. Exposant ses griefs, le ministre a dit qu'il aurait dû sortir premier de sa promotion de l'école navale, mais qu'il avait été rétrogradé au cinquième rang parce qu'il était malgache. En réalité, les élèves étrangers ne sont pas classés et selon ses notes, il aurait été troisième. Ensuite, Ratsirac a raconté que lors du périple qu'il avait fait à bord de la Jeanne d'Arc en tant qu'élève officier de marine, on l'avait empêché de débarquer à l'escale du Cap. J'en ai rendu compte à Pompidou qui s'en est montré indigné et m'a chargé de trouver le nom de l'officier qui avait pris cette décision. Je me suis renseigné et j'ai appris que cette année-là, la Jeanne n'avait pas relâché en Afrique du Sud. Pompidou a alors décidé d'envoyer Jean-François Deniau, le secrétaire d'État à la coopération, mettre les choses au point avec Ratsirac. « Qui ne s'est pas démonté, c'est vrai » a-t-il répondu à Deniau, « que nous n'avons pas fait escale au Cap. Mais si nous y étions allés, l'incident que j'ai raconté aurait très bien pu se produire. » Focard parle a été édité en 1995 par Fayard, a signalé aussi Madagascar, l'île rouge d'Éric Revel, paru en 1994 chez Ballon. A noté aussi le dernier livre de Maurice Weiss, paru récemment chez Fayard, La puissance ou l'influence, la France dans le monde depuis 1958. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et peut-être même la podcaster. À samedi prochain, Stéphane Combe, Rebecca de Nantes, Monsieur Le Joux m'ont aidé à préparer cette émission. Et tout de suite après les informations, CO2, mon amour de Denis Chessou, on respire.